je repasse le plat immédiatement à Stéphane Hébert. Merci. Je crois que nous avons tous apprécié la manière dont l'exposé de Frédéric nous conduisait des débats classiques jusqu'à l'époque immédiatement contemporaine et à ces crises. Et j'ai vu dans cet exposé l'illustration de sa manière de travailler que je suis depuis de nombreuses années, c'est-à-dire une manière de prendre très au sérieux le discours, l'idéologie, les croyances, hein, pour reprendre cette formule, comme constitutif de l'univers économique elle-même, mais aussi comme capable d'entrer en dissonance, entrer en contradiction avec le réel et dans le paysage des discussions actuelles. Il me semble que cette position est très très importante et très très riche, parce qu'elle permet peut-être de relativiser un courant, disons, qu'on peut qualifier peut-être de post-foucauldien, où c'est une espèce de matrice générale qualifiée de néolibérale qui semble s'emparer des esprits sans envers et sans plus être capable d'entrer en contradiction ni même en contact avec le réel, qu'il y ait des croyances qui, à certains moments, se heurtent à la facticité des phénomènes qui les contredisent, qu'il y ait des acteurs, des groupes, des intérêts, des institutions, des nations elles-mêmes qui prennent en charge le discours et assument possiblement cette contradiction avec le réel, c'est, me semble-t-il, une position très très importante que de le réaffirmer, de l'illustrer et, encore une fois, de porter cette intuition jusqu'à l'époque contemporaine. Alors, ce que je vais faire... L'après-midi a été long, je vais simplement essayer de poser une simple question, enfin qui cherchera peut-être à contextualiser un peu la manière dont tu as parlé de l'univers contemporain. Moi, par des formations professionnelles, j'ai une tendance à resituer ton propos peut-être dans l'histoire de la théorie ou dans l'histoire de la théorie sociale de l'économie, où, me semble-t-il, tu marques une percée où ta position est originale avec ce que tu en fais. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça apporte quelque chose à l'univers très très général des conceptions post-marxistes ou post-marxiennes pour des raisons qui sont complexes. Moi, j'ai été très frappé par l'utilisation que tu fais de ce vocabulaire des anciennes théories tiers-mondistes des années 60-70. Tu as cité Samir Amin, effectivement, auteur tout à fait remarquable, qui est encore non seulement un auteur tiers-mondiste, mais un analyste du néolibéralisme, enfin, qui écrit des ouvrages ou des livres comme ceux d'Emmanuel, des théoriciens de la dépendance. Et tout ça m'a vraiment fait me plonger dans des abîmes de perplexité, m'a fait plaisir, puisque d'une certaine façon, ces vieux thèmes qui n'étaient pas en eux-mêmes marxistes et qui marquaient au contraire des percées novatrices à l'intérieur du marxisme, tu montres qu'ils peuvent être appliqués à notre monde, au monde européen. Et cette collision entre une vision qui, dans les années 60, 70, 80 encore, était appliquée au rapport entre, disons, le centre européen et la périphérie extra-européenne, dont tu montres qu'elles sont réactivées par la crise de l'Europe. Je trouve ce schéma fascinant, vraiment, vraiment hypnotisant et aussi profondément éclairant par rapport à la réalité contemporaine. Finalement, ce qu'il y avait de plus fort dans le post-marxisme, c'est ça. Au fond, la redécouverte de l'espace et du temps. Du temps, je veux dire que les résidus de marxisme, de téléologisme, de croyance en l'unité signifiante de l'histoire sont encore prégnants chez Marx, ça fait aucun doute. Ce qui a cassé ça dans l'histoire du marxisme, c'est une prise au sérieux de la question des phases, de la question des périodes, de la question de la chronologie. Alors, ça a pris des formes très très différentes. Le réinvestissement de la catégorie de révolution industrielle dans le milieu, disons, non marxiste à la fin du 19e et au début du 20e siècle a joué un rôle important. La découverte et la discussion des grands cycles chez des auteurs classiques comme Schumpeter ou Kondratiev a joué aussi un rôle important. Dans les années 60 et 70, les théoriciens français et même nantérois pour l'essentiel de la régulation ont joué un rôle important dans cette affaire-là. Bref, donner un sens à l'idée qu'il y a des phases profondément distinct, qu'il y a des configurations historiques profondément singulières qui composent ce que l'on appelle de loin capitalisme, tout ça n'était pas étranger à la pensée marxienne. L'opposition entre le capitalisme commercial et le capitalisme industriel est au cœur d'un ouvrage comme Les Gros Dresseux, c'est tout à fait évident. Il y a une une chronologie, un développement du capitalisme. Mais il est vrai que dans le livre 1 du Capital, Marx adopte une drôle de méthodologie dans laquelle l'idée que le capitalisme britannique sous sa forme industrielle que nous connaissons constitue la norme de maturité à partir de laquelle la théorie peut se constituer, il est vrai que cette croyance-là a pu jouer le rôle d'obstacle épistémologique. Et puis, plus proche de ton propos, l'autre découverte, c'est celle de l'espace au sens géographique. Bien évidemment, le monde extra-occidental n'est pas étranger non seulement à la pensée marxienne, mais même au cœur de la pensée marxienne. Le livre 1 du Capital, ça a été rappelé tout à l'heure, que les phénomènes de colonialisme, que les phénomènes de captation, que les phénomènes même de déséquilibre intra-européen. Il ne faut pas oublier qu'il y a un pays qui joue un rôle important dans le livre 1 du Capital, c'est l'Irlande. Hein, donc peut-être on peut dire que Marx lui-même avait anticipé que l'extra-européen dont l'Europe a besoin pour développer sa richesse, c'est pas seulement très très loin, quoi. Ça peut être aussi à nos portes. C'est pas inintéressant, cette réflexion marxienne sur les déséquilibres intra-européens et le rôle de l'Irlande, quoi. Donc dans le marxisme classique, il y a de l'inégalité, il y a de la géographicité, il y a de l'espace, pour le dire clairement, parce que c'est ça qui est en jeu, il y a le chef centre et périphérique, parce que c'est quand même ça qui marque l'avènement d'un modèle conceptuel un peu structuré, un peu fort, mais il est vrai que tout cela est menacé par différents schémas dont il a été question tout à l'heure, est menacé par différentes considérations de passer justement à la périphérie du système lui-même. Et on peut décrire l'histoire, une partie de l'histoire de la pensée économique marxienne, marxiste et post-marxiste aussi, ou paramarxiste, comme une longue déconstruction de cette marginalisation du géographique. Oui, les théories de l'impérialisme à la manière de Lénine, de Hobson, déjà, ont joué un rôle là-dedans. Les théories de la dépendance et les théories tiers-mondistes ont joué un rôle là-dedans. Il est évident que la synthèse théorique de Wallerstein a joué un rôle ici, à mon sens, de cristallisation tout à fait spectaculaire, et que le rôle que la pensée de Wallerstein a occupé et occupe encore aujourd'hui dans les sciences sociales au sens large, comprenant l'économie, l'histoire aussi bien, marque à mon sens un seuil de maturité. C'est aussi aujourd'hui un thème bien connu de David Harvey. Ça manque d'espace chez Marx, hein, ça manque d'espace, mais il me semble que peut-être Harvey a tendance à quelque peu marginaliser cette histoire longue de l'avènement de la spatialité, n'est-ce pas? C'est cette histoire longue de l'avènement de la spatialité dans la théorie sociale de l'économie. Donc c'est ça qui me frappe, c'est qu'au fond, cet acquis de la théorie sociale de l'économie, pour employer un terme un peu générique, que cet acquis long, encore une fois, à la frontière du marxisme, en lui et hors de lui, polémiquement à l'égard de lui, mais dont il a eu besoin de se réapproprier la substance au cours de son histoire. Sinon, on ne comprend pas comment ça a pu se passer. Il me semble que c'est toute cette... Que c'est toute cette richesse théorique que tu réabsorbes et que tu reprends et que tu nous livres en quelque sorte pour comprendre la période contemporaine. Chez Wallerstein, soit dit en passant, il y a un statut de l'Europe non centrale. Hein. Il y a toujours chez Wallerstein l'idée qu'il y a des semi-périphéries. Le modèle wallersteinien n'est pas binaire. Hein. Il n'y a pas, l'Espagne du XVIe siècle et puis les Amériques. Il y a les semi-périphéries. Et une chose intéressante du point de vue contemporain et de ton point de vue, c'est que le paradigme de la semi-périphérie chez Wallerstein, c'est l'Europe de l'Est. Et c'est la clé de l'explication du second sevrage. Hein, du second sevrage. Et il y a peut-être ici des manières de montrer comment ces répliques intra-européennes de la division à l'échelle du monde du centre et de la périphérie ont une histoire longue, peut-être. Ça serait quelque chose dont il faudrait étudier le développement. Sans doute Wallerstein lui-même ne s'est pas intéressé à ces questions contemporaines parce qu'il voit tout de suite de large, il voit tout de suite du côté des dynamiques historiques et politiques de l'Amérique du Sud par exemple, mais peut-être qu'il y aurait intérêt à convoquer en quelque sorte cette conceptualité wallersteinienne au cœur même de ce que tu dis. Donc moi je te poserai après ces bavardages une question unique d'une certaine façon, et je pourrais la formuler de la manière suivante. Ce processus extrêmement spectaculaire que tu décris très bien et que tu reprends de façon saisissante, d'une crise de la construction européenne, d'une crise interne de la construction européenne, hein, qui qui met en jeu les discours justificateurs sur lesquels elle s'est appuyée jusqu'ici. Est-ce que c'est quelque chose qui est profondément nouveau et qui, d'un point de vue, je le reconnais, très panoramique, hein, d'un point de vue très philosophique de l'histoire, pourrait être l'à côté, le corrélat, l'accompagnant de quelque chose comme un déclin de l'Europe, une relativisation de l'Europe. Voilà, ces discussions sont profondes chez les grands théoriciens des systèmes mondes. Je pense en particulier à Giovanni Arrighi, bien évidemment, qui, pour le dire très simplement, diagnostique un déplacement du centre de gravité, du cœur de l'économie monde, des États-Unis, vers l'Asie et vers la Chine. Arrighi ne discute plus, finalement, le devenir de l'Europe. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir ce que tu es en train de décrire comme quelque chose qui accompagne des mouvements à l'échelle mondiale, à l'échelle mondiale qui conduisent inévitablement à une relativisation, pas forcément à une marginalisation, mais à une relativisation de l'Europe et de l'Occident au sens large. Voilà, ça t'intéresserait, ou est-ce que ça t'intéresse, ou est-ce que tu as une position face à cette contextualisation qui, je le reconnais, on passe à un niveau méta-empirique forcément beaucoup plus fou. Voilà, c'est mon unique question. Je réponds tout de suite. Oui. Merci beaucoup, hein, à la fois pour les remarques qui m'aident à comprendre un peu la façon dont je travaille et dont je lis les auteurs, notamment les auteurs marxistes. Je lis à peu près tous les auteurs que tu as cités, ou élus, enfin. Je ne cite pas que des auteurs keynésiens, même si j'utilise aussi beaucoup les travaux, divers travaux d'économie, d'ailleurs, y compris les classiques. J'ai un rapport, je pense, assez complexe sur lequel je ne vais pas revenir, si ce n'est pas le lieu, à la théorie économique, aux travaux empiriques menant l'économie. Sur cette question de grande dynamique géoéconomique, alors j'y consacre une partie d'un chapitre dans la crise de la croyance économique. Je pense que c'est un des grands éléments de la crise de la croyance économique, c'est le déplacement des transformations de la représentation de l'ordre mondial et son accélération. C'est-à-dire, bon, ça avait commencé plus tôt, c'est pas 2008 qui va, mais on a, je pense, le sentiment beaucoup plus net de ce déplacement après 2008. On va apparaître des rapports de l'OCDE, on voit des figures qui montrent que, en gros, les pays développés sont dépassés, vont être dépassés dans les années qui viennent. Enfin, ça devient un thème extrêmement fort du discours public. Il y a des suppléments économiques du Monde et d'autres journaux qui le développent de manière beaucoup plus importante après 2008 qu'avant. Ça, je crois que c'est vraiment une césure de ce point de vue symbolique. Je crois que ça a marqué, qui va peut-être au-delà du phénomène lui-même. C'est-à-dire qu'on anticipe et on va regarder comment ce sera en 2040 ou en 2050, mais on n'est pas tout à fait là, les processus sont plus ambigus et pas encore complètement aboutis. Bon, j'ai quand même lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Arrighi, Adam Smith à Pékin, qui est, qui est saisissant et je pense qu'il touche quelque chose de fondamental, qui est un déplacement à l'échelle longue, historique très longue, mais dont il me paraît difficile de dire que c'est ce qui cause, même de manière très indirecte, le processus de dislocation que je viens d'aborder, sans entrer dans une analyse. Alors faudrait... Le seul élément que je vois immédiat, un peu empirique, c'est la façon dont l'Allemagne joue à fond la carte du marché asiatique. Ouais. Et, mais les autres pays aussi, d'une certaine manière, ils arrivent moins, quoi. Enfin, on ne peut pas dire qu'ils soient... mais c'est sans doute de ce côté-là que je creuserai cet aspect-là. C'est-à-dire dans sa politique mercantiliste, l'Allemagne accorde évidemment une place stratégique très très décisive et centrale au marché asiatique. Voilà, ça c'est... Et donc c'est évidemment un vecteur de cette dislocation commerciale qui est un des aspects de la dislocation plus globale de l'espace européen que j'ai essayé de décrire. Voilà. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est tous les effets en chaîne que va induire le fait de prendre conscience y a un processus de longue durée en partie inéluctable, enfin semble-t-il, perçu comme tel. Je pense par exemple une chose qui m'avait frappé, c'est que j'avais lu dans le Financial Times, le compte-rendu de l'enquête PISA, dans laquelle, donc, vous savez, c'est des enquêtes auprès d'élèves de 15 ans au niveau international, on compare les performances scolaires de manière très très discutable, hein, sur le plan méthodologique, où les enfants chinois, enfin c'était les enfants de Shanghai, hein, c'était pas toute la Chine, avaient des performances nettement supérieures à celles des Américains. Et ça suscitait d'énormes débats en France. L'enquête PISA suscite des débats sur la médiocrité du système ou l'inefficacité, enfin, dans le Figaro, en général, enfin, on connaît bien les débats. Là, c'était pas du tout ça. Mais on est, en fait, c'est fini. Enfin, on est dépassé. Alors, il y a depuis longtemps, la Corée du Sud a des bien meilleures performances, mais là, vous voyez que c'était un phénomène beaucoup plus global et qui avait à voir avec le système scolaire. Hein. Donc, c'est pas justement ce à quoi on pense immédiatement quand on passe à l'ordre mondial. Et donc, je pense que c'est un déplacement des repères, un basculement des repères cognitifs, ce que je n'avais pas utilisé, mais qui est un peu au centre aussi de mes analyses, une sociologie cognitive de la crise, dans laquelle j'essaie d'intégrer justement cette dimension de transformation des représentations. Et c'est vrai que je trouve assez juste de me rappeler qu'il y a une tradition très forte d'histoire longue, d'économie historique de longue durée, et sur géographique aussi, j'y reviens pas, notamment dans le marxisme, en tout cas dans des travaux inspirés par l'économie marxiste. Mais ce que j'avais envie de dire à ça, c'est que pour une part, ça vient de la sociologie économique, ça vient un peu de Simian, et ça vient un peu de... voilà, c'est dans une large mesure des sociologues un peu décalés qui ont réinvesti les enjeux de l'économie politique au tournant du... Brodel, c'est une de ses sources, en tout cas. Ah bah, c'est l'école sociologique française. On a souvent dit que les Annales, c'était en partie la réalisation du projet de François Simian et de cette idée d'une histoire longue qui serait aussi une histoire sociale, une histoire des collectifs, une histoire des groupes sociaux. L'histoire à la brousse étant qu'une version un peu restreinte de ça, finalement, ouais. Très quantitative, quantitativiste. Mais enfin, en tout cas, moi, je souhaite en tout cas, essayer de m'inscrire dans cette perspective-là. Avec peut-être, il y a peut-être deux spécificités que je voudrais quand même mentionner pour les faire ressortir de ma perspective, qui sont l'idée que l'analyse des groupes sociaux, telle qu'elle est menée dans les travaux d'économie marxiste, ou même plus largement, disons, hétérodoxe, est souvent, du point de vue sociologique, paraît un peu macro-sociale et parfois un peu grossière. On a vraiment un décalage là. Alors, ça ne veut pas dire que voilà, il faut considérer qu'il y a 450 groupes et non pas deux, enfin non pas trois. C'est pas tout à fait dans ces termes que les questions se posent, mais je pense que voilà, on a du côté de la sociologie l'idée que la stratification sociale c'est quand même plus complexe, plus multidimensionnel que ce qui a été légué par l'économie politique marxiste notamment, mais même d'ailleurs par les travaux dans d'autres traditions d'économie. Et l'autre élément, c'est l'intégration des discours et des processus cognitifs. Alors les processus cognitifs, bon, l'économie des conventions les a mis au centre, donc je n'ai pas du tout le sentiment de faire quelque chose de très, très nouveau là. Simplement, c'est investir empiriquement les discours et leurs effets dans l'étude des processus économiques. Et je pense que là, on n'en est qu'au début, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas très bien faire. On ne sait pas très bien comment articuler les grandes dynamiques économiques, socio-économiques, on va dire, et les grandes dynamiques des discours, et j'essaie un petit peu de mener cela de front, ce qui me distingue sans doute un peu de la tradition Wallerstein, qui me souvient d'avoir entendu Bourdieu dire à propos de Wallerstein que lui, ce qui lui plaisait, c'était d'avoir Wallerstein, mais d'avoir aussi des analyses d'interaction symbolique à un niveau micro, et de pouvoir utiliser les deux, l'un contre l'autre, et de ne pas se contenter de perspective très macro-historique, très globale, qui peut paraître aussi limitée à certains égards.